Le poulpe. Jetant son ancre vers les cieux, suçant le sang de ceux qu'il aime et le trouvant délicieux, ce monstre inhumain, c'est moi-même.